retrouve maintenant Raymond Poirier, comme chaque lundi, pour sa chronique technologie d'information. Pour cette chronique aujourd'hui où on va vous parler de l'utilisation des technologies géospatiales dans les services aux citoyens à travers cet exemple recensé aux États-Unis, vous verrez, il y a des choses assez incroyables. Donc bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Alors on parle, je viens d'énoncer donc le sujet, avec un premier exemple qu'on peut suivre, la neige en temps réel en Iowa. Exactement, bah, c'est toujours intéressant en fait de voir, je fais une petite parenthèse pour dire que on utilise quand même pas mal Google Maps ces temps-ci, des applications cartographiques de ce style-là. Et évidemment, ça reste quand même un usage minimum. Bon, on a accès à des commerces, des niveaux divers d'informations. Mais à partir de ces informations-là, autant qu'à partir des données rendues disponibles par la ville, eh bien, il y a vraiment un foisonnement d'utilisations qui sont faites au niveau cartographique. Et le premier exemple que tu lances, avec la température aujourd'hui, je trouvais que c'était bien pour lancer le bal. Mm-hmm. C'est l'idée que lorsqu'il y a déneigement, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui a été déneigé, à quel moment ça a été déneigé. Il y a quand même différents usages qui peuvent être pratiques, notamment savoir à quel moment dans la journée les gens sont venus déneiger autour de chez nous. Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils comptent venir? Est-ce qu'ils sont en route? Est-ce qu'ils sont venus trois fois puis je m'en suis pas rendu compte? Donc ça peut être pratique de le savoir. Et eux, à partir de cette application cartographique-là, de simplement rentrer ton adresse et tu vas voir essentiellement le nombre de fois que ton secteur, que ta rue a été desservie par les services de déneigement. Donc ça veut dire que tu peux pratiquement suivre en temps réel finalement la déneigeuse qui est en train de passer. Donc suivre leurs opérations déneigement. Mm-hmm. D'un point de vue sécuritaire, c'est aussi intéressant dans la mesure où on peut avoir accès aux routes qui sont les plus récemment déneigées ou à la géolocalisation des déneigeuses. Donc, exemple, si je veux circuler dans la ville et ce que je cherche, c'est pas nécessairement l'option rapide, mais l'option sécuritaire. Donc, quelle autoroute vient d'être déneigée? Eh bien, avec l'application, j'ai accès à cette information-là et je peux me diriger vers la voie qui est justement la plus viable dans le contexte. Donc, c'est quand même assez intéressant. Il faut dire que l'Iowa ont quand même des gros problème avec la neige, alors ils ont été vraiment au-devant de certaines réalités. Mais ça fait déjà quelques temps que cet outil-là est non seulement en ligne, mais également utilisé fortement. Mm-hmm. Donc ça permet de mieux anticiper ses départs, qu'on part de chez soi, du travail, de n'importe où. Finalement, pour le stationnement, ça doit changer beaucoup de choses aussi. Ben sûrement, en fait, je veux dire, juste simplement de pouvoir suivre le déneigement en temps réel, mm-hmm. il me semble que ça permet de mieux se préparer à l'ensemble des éléments liés au déneigement. Et les services de déneigement ont moins le droit à l'erreur, j'imagine, là-dessus. Hein? Ils sont sur Ça, c'est le défaut de la chose, en fait. Ouais, on va dire ça. Il y a, dans un tout autre endroit, parce que là, on n'est pas dans le même climat, l'effet d'El Niño, donc sur la communauté urbaine de Los Angeles. Et en fait, ça, c'est une situation où Los Angeles se préoccupait, d'un point de vue sécuritaire, si on peut dire, pour essayer de voir qu'est-ce qui allait se passer avec l'impact de ces tempêtes tropicales-là qui étaient allumées par El Niño. Et ils se sont dit, plutôt que d'aller sur un compte Twitter, sur un compte Facebook et de passer l'information d'urgence, bon, évidemment, ça exclut pas qu'ils y sont, mais ils ont décidé, entre autres choses, de mettre l'ensemble d'informations de sécurité sur une carte. Donc, l'idée qu'on peut voir l'évolution météo, qu'on peut voir les éléments prédictifs aussi au niveau météorologique, évidemment, mais aussi qu'on va aller chercher d'autres informations, qu'on va aller chercher de l'information, par exemple, concernant les endroits où trouver des sacs de sable pour s'ériger des murs pour prévenir les inondations, qu'on peut voir à quels endroits il y a des impacts sur la circulation qui sont importants, en lien justement avec tout ça, à quels endroits il y a des pannes d'électricité, etc. Donc vraiment, créer une cartographie d'urgence. Et le fait que c'est sur carte, ben nécessairement, c'est valide un peu pour toutes les autres, ça implique que c'est facilement compréhensible pour les usagers. Mm-hmm. Certainement. La qualité de l'air aussi qui peut être suivie en temps réel en Californie. On pensait déjà avoir beaucoup d'outils pour ça et là ça a été développé encore plus. Ça a été développé, mais c'est toujours en développement proactif de ce côté-là. Et eux en fait c'est qu'à un moment donné ils se posaient la question à savoir dans le fond quelles sont les zones à risque au niveau de la qualité de l'air et parallèlement où se trouvent les personnes aux conditions de santé qui les rendent plus vulnérables aussi au défi en lien avec la qualité de l'air. Alors, il y avait eu l'idée de faire une carte pour un, une carte pour l'autre. Finalement, ils se sont dit, pourquoi pas ne pas combiner les deux cartes? Mm-hmm. Pourquoi pas ne pas, à tout le moins, en ce qui concerne la qualité de l'air, pouvoir générer de l'information en temps réel, puisque de toute façon, ils ont accès à un presque temps réel. L'autre information est obtenue à partir du recensement. Et, dans le fond, de la rendre disponible également à la population. Donc, on peut voir, est-ce que je suis dans une zone à risque? Est-ce que mon secteur possède plus de personnes à risque, etc.? Et évidemment, tout ça aussi dans l'optique de demander des comptes, évidemment, aux élus qui sont face à ces résultats-là très probants, très présents. Et sinon, on parle aussi d'améliorer l'accès à l'information quant aux services aux citoyens à Manassa. D'ailleurs, ça se trouve où exactement? En Virginie. OK. Et ça, c'est intéressant. Ouais. En fait, des fois, même à Québec, quand on arrive dans un nouveau secteur, pour donner l'exemple de notre ville, on se demande, mais quand est-ce l'évidence, j'y passe? Le recyclage, j'y passe à peu près à quelle heure? L'évidence, ouais. À quelle heure? Si on avait du compostage, ça passerait à quelle heure? Dans certaines villes, ben, il y a les recyclages de vitres, il y a des recyclages de papier, c'est des systèmes qui sont parfois un peu plus complexes. Et, de manière générale, les villes tendent plutôt à utiliser des petits papiers pour dire, ben, voici votre horaire, trouvez votre horaire, appliquez-le, et le reste. Alors, ce que Manassa a décidé de faire, c'est essentiellement de rendre ce service là disponible en ligne. Donc, on rentre l'adresse, on voit sur la carte, on a la liste des secteurs, on a la liste des... Bon, on a notre adresse, évidemment, puis on a la liste des services, les dates, etc. Donc, pas de recherche à faire, pas de papier ni rien. On a simplement accès à cette information-là. C'est valide aussi pour les grosses vidanges, pour le ramassage des feuilles, le ramassage des sapins, etc., etc. Donc, ça, c'est toujours via des applications sur l'ordinateur, sur les téléphones intelligents? Oui, puis des fois, c'est carrément en fait simplement des applications qui sont insérées à l'intérieur de Google Maps. Okay. Donc, on peut télécharger des charges d'informations, des cahiers d'informations additionnels, des accès d'informations additionnels sur ça. L'idée, c'est que ce soit le plus facilement accessible possible et reste que il y a un côté très instinctif, je crois, aux applications cartographiques. Dans un autre exemple, on parle de placer l'information gouvernementale sur carte à Boston, Chicago et Philadelphie. Oui, et ça c'est le cas. En fait, il y a pas mal de villes qui vont avoir, par exemple, sur un site, vont avoir cartographié les enquêtes en du MAPAC, par exemple, sur les restaurants. Vont voir un peu où il y a eu des offenses, voir un peu à quels endroits les rues sont fermées, à quels endroits il y a des nids de poules, etc., etc. Donc, plein d'informations qui sont générées à certains degrés, du moins dans certaines villes, par les niveaux municipaux, voire d'autres niveaux. Et donc, eux autres, plutôt que de faire une pléiade de cartes autour de ces éléments-là, ils se sont dit, ben, on va plutôt les insérer dans le même outil cartographique. Donc, ce qui fait qu'on a accès à différentes informations et qu'on peut, à partir de toutes ces données-là qui sont disponibles en données ouvertes de toute façon, ben, créer finalement nos propres cartes d'information et peut-être pouvoir faire des comparatifs entre les fermetures de rue et les inspections alimentaires. Pourquoi pas? L'information est disponible, c'est ça l'important. Tout va se recouper à un moment donné, c'est certain. Un autre exemple, le service 311 cartographique à Houston. Oui, en fait, on a déjà un service 311 ici, 311. Et évidemment, le défi parfois, c'est de trouver des ressources à proximité. Alors, c'est simplement l'idée, dans le fond, de le rendre disponible d'abord sur carte et de pouvoir donc naviguer par secteur, naviguer par zone, etc., etc., plutôt que d'avoir simplement une navigation par liste. Et enfin, on comprend le développement économique à Rancho Cucamonga. C'est en Californie? C'est en Californie. Ouais. T'as un bon instinct. Ouais, c'est bon. Oui, c'est intéressant. C'est que dans mesure où c'est pas toujours facile de voir l'évolution, par exemple, du marché immobilier. On nous en parle, le reste, mais si on pouvait le cartographier, encore là, l'évolution de la valeur des maisons, les violations, les amendes par rapport à différentes pratiques, les outils policiers et le reste. Donc, il y a plein de cartes qui ont été designées par les gens de Rancho Cucamonga, et tranquillement, mais ils ont décidé d'intégrer d'autres outils à ces cartographies-là pour permettre notamment de mieux vendre, si on peut dire, la ville. Donc, ils ont intégré, par exemple, les immeubles disponibles pour de la location commerciale avec des pieds carrés, les types de zones, les types d'édifices déjà présents. On peut trouver des cartographies des affaires, les secteurs, etc., etc. Et tout ça à l'intérieur de Google Street View également. Donc, encore là, on parlait de facilité d'usage. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver des manières faciles de pouvoir qualifier un peu la vitalité économique d'un secteur, d'une ville, et ensuite, ben, de pousser l'information cartographiquement, tout simplement. Alors, de bien beaux exemples. On se dit que, effectivement, si la ville à Québec, si ça devait arriver, ça soulèverait beaucoup de choses, encore plus. Est-ce qu'on peut espérer voir ça un jour à Québec? Comment ça évolue? Il y a déjà des éléments qui évoluent. On parle, par exemple, au niveau du service d'autobus, ben, il y a une préoccupation de géolocaliser des autobus. Mm-hmm. Il y a déjà des belles avancées qui ont été faites en matière d'infodéneigement. Et évidemment, ben, tout ça poursuit. On le fait avec Copilote sur la cartographie, ne serait-ce des stationnements disponibles. Alors, ça tend vers ça. Donc, l'idée de pouvoir rendre l'information, mais aussi la rendre de manière intelligible, facilement compréhensible, et nécessairement de plus en plus l'outil cartographique semble s'imposer. Donc il y a vraiment un bel avenir aussi même pour le secteur, de manière générale, du géospatial, de la géomatique. Alors à surveiller, mais de toute façon, Raymond, tu nous tiendras au courant s'il y a des choses qui arrivent à Québec concrètement. On termine sur un invité qui viendra le 16 mars prochain à l'Université Laval pour donner une conférence sur le numérique et le logiciel libre. Oui, en fait, c'est l'un des fondateurs, si on peut dire, de la mouvance du logiciel libre qui va être de passage à l'Université Laval. Alors c'est quand même majeur, évidemment, pour ceux autant qui sont en techno que ceux qui ont entendu parler du logiciel libre et qui veulent peut-être profiter de cette opportunité d'aller chercher l'information littéralement à la source. Et dans ce cas-ci, c'est littéralement à la source. Lui, en fait, c'est un chercheur qui s'appelle Richard Stallman, qui est gradué à l'Université de Harvard, qui a amorcé son travail sur les systèmes d'opération qui s'appelle GNU, GNU. Donc, qui est la base un peu de Linux aujourd'hui. En 1983, il a commencé là-dedans. Ensuite, il a tranquillement amorcé, aux côtés de divers collègues, la création de la mouvance du logiciel libre, les principes du libre et le reste. Et il a démarré en cours de route la Free Software Movement. Alors, il est devenu en cours de route militant également pour justement la promotion du logiciel libre, la question des droits d'auteur, etc. Alors c'est vraiment un personnage important, si on peut dire, de la planète informatique internationale, et c'est clair que ça va être un honneur de l'avoir avec nous là, le 16 mars prochain. Alors ça va être de 10h à 12h30 à l'Université Laval au Grand Salon, conférence de 2h30, et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, on peut aller sur itis.ulaval.ca. Mais merci beaucoup, Raymond Poirier. Donc, un rendez-vous dont on reparlera sûrement. Sûrement. Dans cette chronique à stéréo locale. Rendez-vous lundi prochain pour un tout autre sujet. T'as déjà une idée? Les données massives. On aura un des chercheurs du Centre de recherche en données massives qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce qu'on cherche autour des données massives. Parfait. Mais merci encore, Raymond. Et donc, à lundi prochain.